Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'envoûtante Marlène Dietrich. Pour la profession, pour Hollywood, pour l'Europe et pour mon père, pour moi, pour Von Sternberg, naturellement, et pour tous les hommes qui aimaient ma mère, elle était toujours le centre de toutes les idées, toute l'activité. Et alors pour moi, je me rappelle seulement à cette force, ce pouvoir de Dietrich. Elle a tout à fait raison, sa mère était une femme extraordinaire, d'une beauté formidable, mais d'une intelligence aussi, d'une finesse. Et ce qui fait que personne ne lui résistait, c'était la reine, elle était divine. Marlène Dietrich, résumée en quelques mots par sa fille d'abord, Maria Riva, à l'émission Double Expresso en mai 1993, et puis par Reine Malo, à l'émission en direct en mars de la même année. Véritable légende, synonyme de séduction, symbole de liberté, Marlène Dietrich appartient au cercle restreint des plus grandes icônes du 20e siècle. Ça a commencé parce qu'on m'a confondu avec le personnage de l'ange bleu. Parce que, vous voyez, on m'appelle l'ange bleu. Hein? C'est la boîte de nuit, le cabaret qui s'appelle l'ange bleu. Dans le film, c'était pas moi, l'ange bleu. Mais maintenant, c'est moi. Oui, pour tout le monde, elle était l'ange bleu, la mythique Lola du film de 1930. La voix rauque et sensuelle, des jambes divines et ce visage lumineux qui a traversé tant de films. Films muets de sa période berlinoise dans les années 20, puis à Hollywood dans les années 30 où elle tourne Shanghai Express, Blonde Vénus, L'Impératrice Rouge. Vient la guerre et Marlène Dietrich, anti-nazi convaincue, refuse de rentrer en Allemagne. Sur le front allié, elle chante Lili Marlène pour les soldats américains. Après la guerre, elle tourne en France avec René Clair et de nouveau à Hollywood avec Hitchcock, Fritz Lang et Orson Welles. À la scène, au cinéma et au cabaret, elle incarne la femme fatale, la séductrice impénitente. Quant à sa vie privée, elle l'entoure des plus grands mystères. Même sa date de naissance est incertaine. On sait que malgré ses nombreuses conquêtes, elle s'est mariée une seule fois, en 1924, et n'a jamais divorcé. Depuis 1976, elle vivait en recluse, dans son appartement parisien, protégeant jalousement son mythe, un mythe qui ne demande qu'à survivre. Extrait d'un reportage de Sylviane Tramier présenté au Radio-Journal du 6 juin 1992, jour du décès de Marlène Dietrich. Pour nous parler de Marlène Dietrich, du parcours exceptionnel de cette femme exceptionnelle, je reçois André Lavoie, critique de cinéma au Journal Le Devoir, ami de l'émission. André Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place elle occupe, la grande Marlène, dans le firmament des plus grandes étoiles du cinéma, André? Une place exceptionnelle parce que c'est une place qu'elle a su construire au fil des décennies. Elle a été capable de pallier à ses faiblesses, si on veut, mais elle était aussi dévorée par une grande ambition, ce qui a fait en sorte que même si elle n'était pas une grande actrice, elle est devenue une grande icône. Ouais. Même si elle n'était pas une grande chanteuse, elle est devenue une chanteuse extrêmement populaire. Elle est devenue l'incarnation de la permissivité sexuelle, du mélange des genres. Tout ça à une époque, surtout aux États-Unis, où on était empreint de puritanisme. Ouais. Elle a réussi tout ça, j'allais dire toute seule, pas toute seule, parce qu'elle a réussi également à se servir de gens extrêmement talentueux autour d'elle pour construire cette image. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, pas une grande chanteuse, pas une grande comédienne, ça nous ramène à une question, qu'est-ce qu'elle est au juste? Puis je vous cite la définition, en fait, de l'Encyclopédie Larousse. Quand on lit l'article, en fait, consacré à Marlène Dietrich dans l'Encyclopédie Larousse, on peut lire, et je cite, « Marlène Dietrich n'est pas vraiment une actrice, mais une poétesse. » Comment vous la définiriez? Bien, moi, je reprendrais les mots de sa fille, Maria Riva, qui disait que elle n'était pas une comédienne, elle était une metteur en scène. Ouais. Et pour moi, ça décrit parfaitement l'aspect, je dirais, contrôle de sa carrière et de son personnage, de son image publique. Elle a réussi ce travail-là, je dirais, sur tous les fronts. Et c'est ça qui fait la singularité de Marlène Dietrich, parce qu'elle a réussi justement à construire ce personnage plein de sensualité, ouais, également plein de paradoxes, extrêmement frondeur, qui est capable de défier tous les tabous. Et elle le faisait aussi avec une élégance extraordinaire, parce qu'elle savait... Elle n'était pas non plus mannequin. Elle a fait un petit peu de photo, ouais, de mode au début de sa carrière. Mais elle savait exactement quoi porter pour provoquer, pour susciter le désir. Et contrairement d'ailleurs à beaucoup d'actrices à son époque hollywoodienne qui étaient souvent sous contrat avec un même couturier, elle empruntait les robes de plusieurs couturiers. Ouais. Elle avait même un tailleur autrichien qui faisait ses par-dessus et ses caleçons en soie. Alors, elle était... Aujourd'hui, on dirait qu'elle est très éclectique. Ouais. Avant de poursuivre sur le parcours, de suivre en fait le parcours de sa vie et de sa carrière, un petit mot plus personnel sur ce qui vient vous chercher, vous, chez Marlène Dietrich, parce que vraiment, c'est quelqu'un pour qui, à qui vous vouez un culte. Mais je ne suis pas le seul, parce que en fait, c'est davantage, dans tous ses films, c'est davantage une présence souvent illuminée d'une manière exceptionnelle, éclairée d'une manière exceptionnelle. Tout ça grâce à son, j'allais dire, à son gourou, le cinéaste Joseph von Sternberg, qui, lui, a réussi ce que certains diraient, et ces gens-là le disaient d'une manière péjorative, à statuer Marlène Dietrich. Parce que, grâce aux éclairages, il a réussi à faire d'elle une icône. Mm-hmm. Et cette icône-là est créée en partie par la façon dont elle était éclairée. Davantage la façon dont elle était mise en scène que par l'interprétation ou l'investissement personnel qu'elle mettait dans les personnages qu'elle incarnait à l'écran. Ouais. Et qui, étrangement, cette Marlène de Sternberg est peut-être pas la plus grande, mais on va y revenir dans les minutes qui viennent. Commençons peut-être par parler de ses origines, de quel milieu elle est originaire, Marlène Dietrich, et comment elle en vient petit à petit au cinéma. On va tout de suite revenir sur cette grande détermination dont vous parliez. Oui. En fait, une détermination frondeuse, insolente, et ça, enfant, ça paraissait tout de suite, ses parents l'ont vite repéré. Une rebelle. Elle est née en 1901 à Berlin. En fait, ça ne s'appelait pas Berlin à l'époque, parce que Berlin s'est beaucoup étendu avec les années au 20e siècle. Et rapidement, elle a développé un goût pour les arts, pour la musique, entre autres. Elle se destinait à une carrière de violoniste. Et il y a eu des événements familiaux qui ont beaucoup marqué sa vie. D'abord, la mort de son père, qui était lieutenant de police. Après, la mort de son beau-père pendant la Première Guerre mondiale. Et elle admettait parfois qu'elle n'avait pas vraiment souffert de l'absence de ces hommes-là, mais d'autres disaient oui, ça l'a quand même forgé son caractère. Et, comme je vous disais, elle avait un caractère assez rebelle, assez frondeur, et elle était fascinée par le milieu du spectacle. Ouais. Et les biographes ne s'entendent pas sur le fait a-t-elle été vraiment blessée et incapable de continuer à jouer du violon, ou si elle avait prétexté où elle avait inventé cet accident-là pour pouvoir se diriger davantage vers le théâtre et le cinéma. Ces deux théories-là s'affrontent. Parce qu'elle est fascinée. Elle, par ce monde du cabaret, il faut se replonger dans le contexte. Là, c'est le Berlin... on se rapproche ou c'est carrément le Berlin des années folles? Oui. Elle est dans ce... Elle arrive dans l'univers culturel de Berlin à cette époque-là, et elle va vivre pleinement la liberté sexuelle, la permissivité que cette ville-là et que cette époque-là offrait aux gens, surtout aux gens du milieu culturel qui habitait et qui fréquentait ce milieu-là. Ouais. Et elle va rapidement jouer dans les cabarets, jouer au théâtre, avoir de petits rôles au cinéma. Et tous les gens qui l'ont connue à cette époque-là disent à quel point elle était désireuse, mais ardemment, de devenir une vedette, de devenir une star. Et c'est là où M. von Sternberg m'a vue. Et il a aimé la façon dont j'écoutais jusqu'à ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans moi, là. Très souvent, il m'a dit, fais donc comme tu as fait, là. Et je n'ai jamais pu le faire parce que je ne savais pas ce que j'avais fait. Et alors, il a fait un essai avec moi, pas comme il le disait pour se prouver à lui, mais pour prouver à moi. Et finalement, après beaucoup de batailles, il a eu du succès et moi j'ai joué le rôle. D'ailleurs pour très peu d'argent et je n'étais pas au-dessus du titre qu'on croit maintenant. On m'a mis au-dessus du titre beaucoup plus tard. C'est le film L'Ange bleu qu'elle tourne avec Joseph von Sternberg en 1930 qui vraiment propulse la carrière de Marlène Dietrich, André Lavoie. On l'entendait d'ailleurs dans cette entrevue à la radio française en parler en 1963. Que peut-on dire de ce film qui est vraiment devenu un classique du cinéma? Peut-être surtout de la Marlène qu'on y voit dans L'Ange bleu. En fait, c'est le film qui a tout changé. C'est le film qui a propulsé sa carrière, qui a modifié sa trajectoire professionnelle et personnelle. Il faut savoir que ce film-là a été coproduit par la Paramount, qui était un studio américain qui était déjà établi en Europe et en Allemagne. On tournait en même temps une version allemande et une version anglaise. Et les patrons de la Paramount qui ont vu ce film-là, qui n'était même pas encore sorti en Allemagne, qui n'était pas sorti du tout, ont vu tout de suite le magnétisme, le charisme de Marlene Dietrich, qui, à l'époque, pour ceux qui, comme moi, ont vu beaucoup, beaucoup de films de Marlene Dietrich et qui ont vu L'Ange bleu après, on est vraiment étonnés de sa carrure. Elle est quand même grassette et on pourrait dire un peu mal dégrossie. Ouais. Mais déjà, il y avait l'érotisme, il y avait la sensualité, il y avait l'esprit frondeur et il y avait, en somme, tout le personnage était là. Et je pense que lorsqu'on veut résumer la carrière de Marlene Dietrich, le personnage de Lola Lola dans L'Ange bleu résume tout ça, cette espèce de vent de liberté, ce besoin d'indépendance. La chanson qu'on vient d'entendre, qui est collée, je veux dire, c'est indissociable de Marlene Dietrich. Ouais. Et je pense que Sternberg a vraiment été foudroyé lorsqu'il l'a vu sur scène, a compris le potentiel de cette femme-là. Et c'est pourquoi qu'il l'a défendue, parce que les gens ne la voulaient pas. Elle-même n'était pas certaine, elle était très insécure de l'idée de défendre, un rôle important, et deux, devant Emil Jannings, qui jouait le professeur, ouais, qui va devenir un être qui va sombrer dans la déchéance à cause de son amour pour Lola Lola. Et donc, tout ça va faire en sorte que ça sera pour elle difficile, parce qu'en plus, Sternberg, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, qui n'aime pas beaucoup les acteurs. Mais ce film-là deviendra son passeport, ouais, pour Hollywood. Et ce qui est assez drôle, ce qui est assez étonnant, c'est que le soir de la première allemande de L'Ange bleu, le soir même, elle va prendre le train pour aller prendre le bateau pour s'en aller à Hollywood. Ah, ouais. Et puis le reste, ben, on va y venir tout de suite, mais on connaît le reste, comme on dit. Et le reste, ce sera dans un premier temps une relation très forte à la ville comme au cinéma avec Sternberg. Ils seront un couple, donc, pendant quelques années. Parlez-moi de ça, de ce tandem-là. Comment ça se passe, cette relation, sur le plan professionnel, sur le plan personnel? En tout cas, Sternberg, lui, on l'a un peu évoqué, mais c'est très, très bien ce qu'il veut faire de Marlene Dietrich. Je vais d'abord vous expliquer quelque chose qui est assez important, un détail important à préciser. Elle était déjà mariée, elle avait déjà une fille et elle n'a jamais quitté l'homme qu'elle a marié. Et lorsqu'elle était avec Sternberg, c'était son conjoint, son amant. Donc, c'était à la fois une relation amoureuse et une relation professionnelle. Ouais. Donc, ça n'en dit déjà beaucoup sur la manière dont Marlene Dietrich avait l'intention de mener sa vie. Et donc, lorsqu'elle débarque à Hollywood avec Sternberg, ils ont tous les deux un contrat avec la Paramount. Et donc, ils ont commencé à faire des films hollywoodiens ensemble. En fait, Sternberg connaissait déjà le système hollywoodien parce qu'il avait vécu aux États-Unis avant de revenir en Europe. Et donc, ils vont ensemble poursuivre et construire cette relation-là artistique. Sternberg et les studios vont obliger Marlene Dietrich à maigrir. Et c'est là, au fond, que Sternberg va installer sa technique d'éclairage qui va littéralement magnifier Marlene Dietrich. La technique, en fait, elle est à la fois simple et très complexe. Beaucoup d'éclairage au-dessus de sa tête, au-dessus de son corps, et des ombrages sur les pommettes pour accentuer le côté, la maigreur, si on veut, mais pas tant la maigreur rachitique, mais pour accentuer le raffinement du visage de Dietrich. Et ça, Sternberg va pousser ça au maximum. Des techniques d'éclairage, d'ailleurs, que Dietrich va reprendre plus tard avec d'autres réalisateurs dans d'autres films. D'ailleurs, ça va souvent emmerder les réalisateurs parce qu'elle va mener le bal. Elle va mener le bal à la place du réalisateur. Ouais. Donc, c'est parti. Ils vont faire quelques films ensemble. Oui. Puis c'est une période très précise, cette Marlene esthétisée à l'extrême. Le dernier film du tandem Dietrich-Sternberg, c'est La femme et le pantin. Qu'est-ce qu'elle devient après la rupture de ce couple à la ville comme au cinéma? Bien, c'est sûr que ces quelques années où ils vont tourner ensemble, Morocco, Shanghai Express, Blonde Venus, là, déjà, le personnage est installé. Dans certains films, elle va embrasser des femmes. Dans d'autres, elle est déguisée en gorille. Puis là, tout à coup, elle enlève sa tête de gorille. Puis on découvre que c'est elle. Dans un autre film où elle fait une espionne, elle se maquille avant de se faire exécuter. Des choses qui n'ont justement pas de bon sens, mais ça construit ce personnage-là. Ouais. C'est sûr que lorsque les deux se séparent, je pense que personnellement, c'était la bonne chose à faire parce qu'ils étaient sur le point de s'entretuer. Ils ont fini par se détester. D'ailleurs, ceux qui ont vu La femme et le pantin ont vraiment vu là un film qui est illustre un peu la relation conflictuelle que ces deux êtres-là avaient quand ils travaillaient ensemble. Et donc, il y aura une sorte de passage à vide, mais commencé à l'époque où elle travaillait avec Sternberg, parce que les derniers films qu'ils vont faire ensemble n'auront pas de succès. Et on dira même d'elle qu'on l'a souvent qualifié de poison box office. Ah oui. Et alors, parce qu'au début, là, un film comme Morocco, d'ailleurs, Morocco, qui est le premier film américain de Marlene Dietrich, c'est la seule fois où elle aura une nomination aux Oscars. Elle n'en a jamais remporté, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, toute cette période-là est quand même importante. Mais lorsqu'ils se quittent, elle est un peu dans le flou. Elle va travailler avec d'autres réalisateurs parce qu'elle était presque exclusivement liée à Sternberg. Et là, va arriver des choses quand même assez importantes. Elle va devenir citoyenne américaine en 1937. Et en 1939, on sait ce qui arrive, mais c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va débuter. Mais il y a quand même une petite période avant d'entrer dans cette période de guerre qui va être très importante pour elle, qui va l'amener un peu ailleurs. Il y a quand même quelques films qui nous... qui nous font découvrir une autre Marlene Dietrich que celle de Sternberg. George Marshall, le réalisateur George Marshall, a réussi ce coup de maître dans Destroy Rides Again avec James Stewart de nous présenter non seulement une Marlene Dietrich pleine de sensualité, mais aussi frondeuse, téméraire, voire violente. Même James Stewart va dire en entrevue qu'il avait peur de Marlene Dietrich parce qu'il y a des scènes où ils se bagarrent. Ouais. Et elle était d'une intensité, d'une férocité qui a littéralement paralysé James Stewart. Ça va lui redonner du succès. Ouais. Et ça va la remettre dans les bonnes grâces des studios qui, pendant quelques années, la voyaient comme, dans le fond, une cause perdue. Une Marlene moins figée. Oui, qui va moins statufiée. Ouais. Plus légère dans certains films. Presque drôle. Exactement. Mm-hmm. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marlene, for you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Marlene Dietrich, qui est absolument indissociable de cette chanson, Lily Marlene, qu'elle va chanter en anglais, entre autres, on vient de l'entendre, aux GIs américains qui sont un peu partout en Europe pendant la guerre. Que dire, André Lavoie, de cette Marlene Dietrich qui part en guerre contre l'Allemagne, son pays d'origine? Oui, c'était assez courageux de sa part, mais en même temps, il y avait évidemment des stratégies de marketing. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'était ça. Mais elle avait un véritable élan patriotique aussi. Je pense qu'elle tenait à être là, comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs, à cette époque-là. Et ça lui a vraiment... Ça a été un point tournant dans sa carrière aussi, parce qu'elle a découvert... Elle a redécouvert les joies de la scène. Elle était enivrée par l'enthousiasme des soldats américains devant ses prestations. Et ça, ça l'a marqué à jamais. Et je pense que c'est pour ça que par la suite, elle va renouer d'une autre façon avec cet univers-là. Oui. Mais pendant la guerre, elle était très dévouée. On raconte même que lorsqu'elle est arrivée à Berlin, qu'elle a vu les ruines de la ville, elle a dit, bon, on l'a peut-être un peu cherché. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont lui reprocher à la fois d'avoir pris de la citoyenneté américaine et de s'être rangée du côté des Alliés plutôt que des Allemands. Les Allemands vont lui en vouloir, certains oui, Allemands, beaucoup. En tout cas, très longtemps. Oui, beaucoup. Ouais. Donc, rapprochement de la scène à ce moment-là, avec cette voix qu'elle a. Et puis, elle revient sporadiquement un peu plus tard, dans les années 50-60, retour au cinéma avec de grands réalisateurs. Oui, de grands réalisateurs, mais pas de grands rôles. Mais souvent, c'était des rôles secondaires qui étaient quand même assez percutants. Mais percutants aussi à cause de sa seule présence. Je pense entre autres à La soif du mal de Orson Welles, où elle apparaît peut-être 10 minutes, mais chacune de ses apparitions est absolument spectaculaire. Billy Wilder, dans Témoin à charge, lui aussi, lui a offert un petit rôle vraiment, vraiment, vraiment foudroyant. Elle est extraordinaire. Mais, mis à part quelques participations comme ça, elle ne retrouvera jamais l'aura cinématographique qu'elle avait, en fait, à l'époque de sa grande époque avec Joseph von Sternberg. Et puis, à partir partir du milieu des années 70, elle décide de s'isoler dans son hôtel particulier de Paris. D'ailleurs, c'est rigolo, un petit peu comme le fait à New York Greta Garbo, qui a été sa grande rivale. Un petit mot sur cette rivalité presque légendaire. Bien, je dirais que c'est une rivalité, qui a été en partie fabriquée par les studios. Greta Garbo était liée à la MGM, Marlene Dietrich à Paramount, et on voulait faire de Dietrich la nouvelle Garbo. Mais au-delà de cette rivalité un peu fabriquée, les deux actrices étaient quand même assez différentes. Greta Garbo fuyait les médias, elle était volontairement et farouchement mystérieuse. Ouais. Marlene Dietrich, elle, entretenait sa légende. C'est pas la même chose. Ouais. Et en plus, Marlene Dietrich, elle s'est réinventée. C'est-à-dire qu'elle a pris une retraite un peu forcée du cinéma et ça s'est fait de manière assez progressive. La scène, à partir des années 50, en s'en allant à Las Vegas et après en faisant des tournées de chants, de spectacles dans le monde entier, ça l'a continué à entretenir sa légende et à construire son image. Ouais. Alors que pendant toutes ces années-là, Garbo était chez elle à New York, dans son appartement, recluse, à avoir peur de tout. Donc, je pense que oui, ces deux Européennes, c'était deux mystères, c'était deux femmes sur qui planait une sorte d'ambiguïté sexuelle. Mais au-delà de ça, c'était deux tempéraments et deux façons de jouer et deux façons d'ailleurs dont les cinéastes ont tiré parti de ces deux actrices-là de manière extrêmement différente. Cela dit, Dietrich va aussi, donc, un peu plus tard que Garbo, mais à Paris, s'isoler pendant des années et des années jusqu'à sa mort. L'héritage, on est déjà là, André Lavoie. Je le disais, elle appartient à ce cercle très restreint de grandes icônes du 20e siècle, plus qu'au cinéma, l'icône du siècle. Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? Il reste quelqu'un d'une grande liberté sexuelle. C'est assez étonnant de le dire ça, là, parce que c'était ni une féministe, d'ailleurs, elle détestait ce mot-là, ce n'est pas une féministe. C'était quelqu'un qui vivait sa vie librement et qui tenait à le faire savoir. Et ça, c'était extrêmement moderne. Dans le Berlin des années 20, je vous dirais qu'à la limite, c'était pas très courageux parce que dans son milieu, tout le monde vivait comme ça. Ouais. Mais arriver à Hollywood, imposer cette image-là au monde entier, faire en sorte que ses vêtements, sa prestance, son jeu, que tout respire l'érotisme, la sensualité, avoir des costumes sur scène qui reproduisent la couleur de la peau pour créer cette illusion de sensualité et de dévoilement, ça a inspiré des chanteuses, des chanteurs. Combien de grands couturiers, combien de travestis, de drag queens qui ont interprété et réinterprété ces chansons et qui l'ont imité. Au cinéma, on a souvent fait référence à elle. Dans les publicités aussi, le côté un peu garçonne avec le smoking et tous les gens qui, par la suite, l'ont voulu l'imiter, ont voulu aussi capturer cette espèce d'insolence qu'elle incarnait avec brio. André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir, merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.